Dans ce cas, Madame Lepic, ne soufflez mot. Maintenant, je me crois utile et je crierai la justice si vous me chassiez. Mais le jour où je m'apercevrai que je deviens à charge et que je ne sais même plus faire chauffer une marmite d'eau sur le feu, je m'en irai tout de suite, toute seule, sans qu'on me pousse. Madame Lepic, et sans oublier, Honorine, que vous trouverez toujours un restant de soupe à la maison. Honorine. Non, Madame Lepic, point de soupe, seulement du pain. Plus que la mère Maëte ne mange que du pain, elle ne veut pas mourir. Madame Lepic. Et savez-vous qu'elle a au moins 100 ans? Et savez-vous encore une chose, Honorine? Les mendiants sont plus heureux que nous. C'est moi qui vous le dis. Honorine. Puisque vous le dites, je dis comme vous, Madame Lepic.